Seigneur des seigneurs, Jésus. La vérité, la vie, et nul ne vient au Père s'il ne passe par lui. Il est le bon berger, la porte et le salut, le prince de la paix, vivant à tout jamais. Il est le bon berger, la porte et le salut. Prince de la paix, vivant à tout jamais. Jésus, roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que Jésus est Seigneur, de la mort je l'atteste. Il est sorti vainqueur de la ressuscité, élevé, glorifié, et il règne dans les cieux à la droite de Dieu. Dieu l'a ressuscité, élevé, glorifié, et il règne dans les cieux à la droite de Dieu. Jésus, roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus.